الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال إن خير التابعين إن خير التابعين رجل يقال له أويس رجل يقال له أويس فيا له من مقام رفيع فيا له من مقام رفيع بأن يكون أفضل التابعين بشهادة من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما الذي بلغ بأويس تلك المنزلة العظيمة تلك المنزلة العظيمة وما هو العمل الذي به نال تزكية النبي صلى الله عليه وسلم فعن أسير ابن جابر رحمه الله تعالى قال كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس ابن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس ابن عامر قال نعم قال من مراد ثم قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال أولك والده قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استغفر لي فاستغفر له رواه مسلم نعم أيها المؤمنون نعم أيها المؤمنون إنه البر بالأم وما أدراكم ما البر بالأم به رضا الرحمن وبه تصل إلى عالي الدرجات في الجنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءة أي صوتا وقراءة للقرآن فقلت من هذا قيل له الحارثة بن النعمان كذلكم البر وكان رضي الله عنه من أبر الناس بوالدته روى ذكر صححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها فيا عباد الله علينا ببر الوالدين وأخص بالذكر الأم كما خصها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فيا عبد الله، أول مرحلتك في بطن أمك قبل خروجك إلى هذه الحياة الدنيا، في تلك اللحظة لما علمت بوجودك فرحت فرحا شديدا، ثم تحركت في بطنها حتى أبكتها ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فتلك لحظة الفرح لأمك الحنونة، سرورها بك وحزنك حزنك، وأنت لست بشيء وأنت لست بشيء حينئذ. ثم تكبر شيئا فشيئا في بطنها. قال الله: فلما أثقلت، يصف الله سبحانه وتعالى ثقل الحمل في بطن الأم، لذا أوصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا، وخص الأم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وضعف المرأة أصالة، فما ظنكم بضعفها مع هذا الثقل، مع المرض وتغير الحال وذهاب الجمال، فلا تقوم إلا بمشقة ولا تجلس إلا بصعوبة، تنام قليلا يوقظها ألم الظهر وألم البطن وحركاتك. هذه المشقة تزداد يوما بعد يوم. قال الله سبحانه وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى وصلت إلى هذه اللحظة التي لا يعلم شدتها إلا الله عز وجل، فتخرج بدون استئذان، وتأتيها الألم أو يأتيها الألم من ليل أو نهار. إنها شدة الطلق، تضرب الظهر، تلك الزفرات لا يتحملها أقوياء الرجال. جاء رجل يمني حاملا أمه على ظهره من اليمن إلى مكة، وطاف حول بيت الله الحرام ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إذا أذعرت ركابها لم أذعر. ثم لقي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال: يا أبا عبد الرحمن، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ترى الموت أمامها والزوج يتضرع أمام الله عز وجل متوكلا على الله. كلما مرت بها في تسعة هذه الأشهر نسيتها لما سمعت بكاءك. فسبحان من جعل فيها تلك الرحمة، ثم مرحلة جديدة مع رضاعك. لا تستطيع أن تقوم بشيء بوحدك وأنت بحاجة إليها، أنت بحاجة إلى أمك في كل لحظة، في الطعام والشراب، في كل شيء أنت ملتصق بها في سائر أوقاتك. قال الله سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين، إذا جعت بكيت، أو بكيت، وإذا مرضت بكيت، وإذا فزعت من نومك بكيت وفي كل ذلك تجد أمك صابرة تسحر عند رأسك إذا مرضت وتطعمك في النهار من لبنها الخالص فرحتها فرحك وحزنها حزنك تلك أمك يا عبد الله تلك أمك يا أمة الله فعلينا أن نقدر الأمهات حق قدرها قدرهن تخاف عليك لأدنى السبب وتدعو لك في جميع صلواتها واسمع وصف الله تبارك وتعالى لمشاعر الأم في قصة موسى عليه السلام لما علمت أم موسى بأن ولدها في بيت فرعون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى أي فارغا من كل شيء إلا ذكر ابنها موسى كما قال الطبري من قول ابن عباس رضي الله عنهما ثم تكبر وتخرج وتلعب وأنت قرة عينها وتنسى نفسها أمامك ثم تكبر وتتزوج ويأتيك الأولاد بفضل الله الوهاب وكبرت وما زلت في عينها طفلا صغيرا ودائما هي تسأل عنك وإذا سافرت سألت عنك وهي تقدم لك ما تحب وتوثرك عليها وكلما تقدم لها أحب إليها من الدنيا وهي لك شكورا هنا ندرك لماذا خص الله عز وجل الأم بعد ذكر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أما فضل الأب فظاهر يخرج ليسترزق لك ولسائر أهل البيت أما فضل الأم قد يخفى على بعضنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكرام أمهاتنا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام Un jour alors que le prophète صلى الله عليه وسلم était assis auprès de ses compagnons il dit le meilleur des tabi'in c'est-à-dire des musulmans qui viendront après ma mort et qui rencontreront les compagnons, le meilleur des tabi'in est un homme qui s'appelle Owais. C'est un homme qui s'appelle Owais. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande place de Owais parmi l'ensemble des gens. Le meilleur de ceux qui viendront après les compagnons radiallahu anhum. Comment est-ce que Owais, rahimahullah, a atteint cette grande place? Et a reçu ce témoignage de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parlait pas selon les passions et celui qui ne transmettait que ce qu'Allah azza wa jal lui révélait. Usayr ibn Jabir nous dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque venait une délégation du Yémen, pendant le pèlerinage ou autre, il se rendait auprès d'eux et leur demandait « Est-ce qu'il y a parmi vous un homme qui se prénomme Owais ?» Et à chaque fois qu'un groupe venait, il se rendait à eux Et il disait, est-ce qu'il y a parmi vous un homme qui se nomme Owais? On lui disait non. Et il n'a cessé de demander cela jusqu'à ce qu'un jour, on lui ait dit, oui, il y a parmi nous un homme qui se nomme Owais. Il alla le voir et il lui dit, est-ce que tu t'appelles Owais? Il a répondu oui. Owais ibn Amir, il a répondu oui. Tu es de Morad, puis de Qaran? Il a répondu oui. Il lui a dit, tu avais la maladie de la dépigmentation, puis Allah t'a guéri, si ce n'est l'espace d'une pièce? Il a répondu oui. Il lui a dit, tu as ta mère? Il lui a répondu oui. Puis il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, il y a un homme qui vous viendra. Il s'appelle Owais. Il vient de Morad, puis de Qaran. Il avait la maladie de la dépigmentation. Et Allah l'a guéri de cela, si ce n'est l'espace d'une pièce. Il est auprès de sa mère. Il est auprès de sa mère. Et il est bienfaisant envers celle-ci. Il est bienfaisant envers celle-ci. Et s'il aurait invoqué Allah, ou il aurait juré par Allah, Allah lui aurait accordé ce qu'il demande. Ses invocations étaient exaucées chez Allah. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, si tu peux trouver cet homme, alors demande à ce qu'il demande à Allah de te pardonner. Demande-lui de faire dua pour toi, afin qu'il demande à Allah de te pardonner tes péchés. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, demande à Allah de me pardonner. Et Owais a fait dua pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, afin qu'il lui pardonne ses péchés. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Voici le résultat de la bienfaisance envers la mère. Et qui te dira ce qu'est la place de la mère en islam? Avec son agrément, tu auras la satisfaction d'Allah. Et avec la bienfaisance envers elle, tu obtiendras les hauts degrés du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré au paradis. Et il a entendu une récitation de Coran. Il a dit, qui est-ce? On lui a dit, Al-Harithat ibn al-Nu'man. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici la bienfaisance. Voici la bienfaisance. Et Al-Haritha faisait partie des personnes les meilleures envers leur mère. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal lui accordait cette grande récompense, le fait d'être au paradis, de par sa bienfaisance envers sa mère. Et qu'on se rappelle, avant même notre venue au monde, lorsque ta mère, cher frère, a su qu'elle était enceinte de toi, elle a été touchée et la joie a rempli l'ensemble de son cœur et s'est répercutée sur l'ensemble de ses membres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ces différentes étapes dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que dans un premier temps, ça n'est pas une charge. Et la rencontre de l'homme avec la femme, de son liquide et du sien, de cela tu es confectionné. Par la suite, tu l'alourdis et tu deviens plus difficile à supporter. Et la maladie commence à la toucher, que ce soit les nausées, les difficultés ou les douleurs. Mais le simple fait de savoir qu'elle va enfanter et qu'elle va avoir le plaisir de donner naissance, avoir le plaisir de te regarder, de t'entendre pleurer, de prendre soin de toi, cela lui fait oublier toutes ses difficultés. Cela lui fait oublier toutes ses difficultés avant même ta venue au monde. Tu es un poids pour elle. Tu es une difficulté pour elle. Puis, tu ne cesses de grandir, de grossir dans son ventre. Et Allah Azza wa Jal nous cite cela également dans le Coran, que ce soit dans Sourate Al-A'raf ou dans Sourate Luqman, on a enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère le porte étape après étape. Et dans l'autre verset, selon la traduction des sens du verset, peine sur peine. Puis lorsque tu deviens plus lourd, et lorsque les mois avancent et se succèdent, son état change, son apparence change, elle perd de sa beauté et de sa ligne, tout cela pour mettre au monde ta personne. Pour s'asseoir, elle ne s'assied qu'avec grande difficulté. Et pour se lever, elle ne se lève qu'avec grande difficulté. Et plus les jours passent, plus elle est malade. Jusqu'au jour où tu te présentes pour sortir sans prévenir, que ce soit en plein milieu de la nuit ou au plein milieu du jour. Et c'est alors qu'elle subit des douleurs dont elle ne connaissait pas l'existence, devant lesquelles ton père impuissant assiste, les douleurs des contractions. Alors, elle subit de lourdes douleurs, que ce soit au dos, que ce soit au ventre ou ailleurs, mais elle supporte et endure pour ta venue au monde. Pour ta venue au monde, un homme est venu du Yémen, portant sa mère sur son dos. Il a fait le tawaf avec elle, imaginez, il est venu du Yémen, d'un autre pays, en portant sa propre mère sur son dos, pour faire le tawaf. Et lorsqu'il a fini le tawaf, il a rencontré Abdullah ibn Omar, ce noble compagnon, et lui a dit, « Penses-tu que je lui ai rendu ce qu'elle a fait pour moi ? Penses-tu que je ne suis plus redevable envers ma mère ?» Abdullah ibn Omar radiallahu anhu lui a dit, « Tu ne lui as rien remboursé. Tu n'as rien fait pour elle. » Ne serait-ce qu'une contraction qu'elle a eue pour te mettre au monde. Ne serait-ce qu'une contraction qu'elle a eue pour te mettre au monde. Ça, c'est la considération des sahaba envers la mère. Ça, c'est la considération des sahaba envers la mère. Elle a vu la mort devant elle lors de ta venue au monde. Et ton père impuissant assistait à cela en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'Allah lui facilite cela. Et afin qu'elle reste en vie, et afin que toi tu vives par la suite. Et lorsque tu es sorti de son ventre, elle a entendu tes larmes, et en un instant elle a oublié ces 9 mois de douleur, ces 9 mois de difficulté, lorsqu'elle t'a entendu pleurer, et ton premier lieu de repos et ton premier lit fut son ventre, et son sein fut ta première nourriture. Elle a tout oublié avec un cri que tu as poussé à la naissance. Et après cela, elle t'allaite durant 2 ans, elle supporte. Elle ne trouve pas le sommeil. Elle se lève durant la nuit pour t'abreuver, pour que tu sois bien toi, elle sacrifie sa vie. Tu ne peux te passer de ta mère, ne serait-ce que le temps d'une nuit. Et à chaque fois que tu pleures, tu la trouves auprès de toi. À chaque fois que tu as faim, elle te donne le sein. À chaque fois que tu te réveilles durant la nuit apeurée, tu la trouves auprès de toi. Elle passe des nuits blanches afin que tu dormes. Wa fisaluhu fi 'amayn, et ton sevrage a lieu en 2 ans. Lorsque tu as faim, elle t'abreuve. Lorsque tu es malade, elle reste auprès de toi. Elle passe des nuits blanches sans jamais se plaindre, elle endure. Elle reste auprès de ta tête lorsque tu es malade. Elle te lave lorsque tu fais tes besoins avec sa propre main, sans jamais se plaindre. Et tu n'es pas capable de dire un mot, tu n'es pas capable de faire un pas. Que t'est-il arrivé, serviteur d'Allah ? Maintenant que tu es grand et que tu te vois homme, tu désobéis à cette mère. Maintenant que tu te vois fort et riche, tu ne te montres pas bienfaisant envers cette mère, alors que tu ne pouvais pas parler, alors que tu ne pouvais pas marcher ni nettoyer tes propres besoins. Cette femme était là, cette femme a souffert pour toi. Elle invoque Allah Azza wa Jal en ta faveur dans chaque prière afin que tu deviennes le meilleur. Pour elle, il n'y a pas plus beau, plus bel enfant que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran les sensations de la mère envers son enfant lorsqu'il nous parle de la mère de Moussa alayhi salam. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Lorsque Moussa s'est retrouvé dans la maison de Pharaon et de son épouse pieuse, la mère de Moussa a eu peur qu'il lui arrive quelque chose. Allah azza wa jal dans surat al-Qasas nous décrit son état en nous disant, le cœur de la mère de Moussa s'est vidé. Ibn Abbas radiallahu anhuma explique ce verset en disant, C'est-à-dire que son cœur s'est vidé de toute personne, sauf de Moussa alayhi salam. Elle ne faisait que penser à Moussa. Son souci était Moussa. Elle ne faisait que de parler de Moussa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a affermi. Il l'a aidé à endurer. Et il en a fait un prophète, un messager. Puis lorsque tu grandis, et que tu as alors la capacité de jouer, elle t'achète tout ce que tu veux. Et elle se sacrifie pour ta personne alors que peut-être elle ne trouve pas de quoi manger. Elle fait devancer ses enfants sur sa propre personne. Comme une femme a fait avec Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle s'est présentée avec ses deux filles. Elle n'avait rien à manger, Aïcha lui a donné deux dattes. Aïcha lui a donné deux dattes, elle a coupé la première datte en deux pour ses filles. Puis elles l'ont regardée. Alors elle leur a donné également la deuxième sans manger de cela. Voici la miséricorde de la mère, oh cher frère. Puis lorsque tu grandis, tu te maries et tu as des enfants. Lorsque tu grandis, tu travailles, tu te maries et tu as des enfants. Mais pour elle, lorsqu'elle te regarde, tu ne cesses d'être son petit garçon, celle qu'elle a porté et allaité. Et tout ce que tu lui offres comme cadeau est meilleur pour elle que ce bas monde. Et tout ce que tu lui donnes, elle est très reconnaissante, sans se soucier de la chose. Mais ça vient de toi. Lorsque tu voyages ou t'absentes, elle ne fait que de parler de toi et questionner à ton sujet. Lorsque tu rentres, elle remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Avec tout cela, on comprend pourquoi Allah azza wa jal, après avoir cité les parents, a spécifié la mère dans le Coran. Nous avons enjoint la bienfaisance envers les parents. Sa mère le porte, difficulté après difficulté. Et dans l'autre verset, peine sur peine. Quant au père, ce qu'il fait pour l'enfant, c'est évident. Et l'enfant le voit avec ses yeux. Il sort, il travaille, il lui ramène sa subsistance. Mais il nous arrive d'oublier ce qu'a fait la mère, alors que nous n'étions pas capables de parler, de marcher, de nous changer. C'est cette mère qui a pris soin de nous, c'est cette mère qui s'est levée. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Cette mère était très âgée et il l'a portée sur son dos et il a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, je porte ma mère tout le temps et tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle fait, je la porte sur mon dos. Est-ce que tu penses que j'ai assez fait pour elle et j'ai remboursé ce qu'elle a avancé pour moi? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit, elle faisait cela pour toi quand tu étais petit en espérant que tu vives longtemps. Et toi, tu fais cela pour elle aujourd'hui en espérant qu'elle décède. Tu attends sa mort, car cela t'est difficile. Personne ne peut rembourser sa mère. Personne ne peut remplacer sa mère. Personne ne doit élever une femme au-dessus de sa mère. La bienfaisance envers la mère peut-être a été la cause de la bénédiction de beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être qu'elle a invoqué Allah Azza wa Jalla et Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a mis la baraka dans ta vie. La mère est la recommandation d'Allah Azza wa Jal. Qu'as-tu donc fait de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Même si la mère n'est pas musulmane, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être bienveillant envers elle. Que dire alors de la mère qui t'appelle à la foi, qui t'appelle à la prière et qui se réjouit et se vante de toi si tu es pieux? Il nous faut donc connaître la place de cette mère. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas. Et il lui a dit qu'il a commis un crime. Abdullah ibn Abbas lui a dit, est-ce que ta mère est encore vivante? L'homme a répondu non. Il lui a dit alors, repens-toi et fais de bonnes actions. Les gens lui ont dit, pourquoi est-ce que tu as demandé sur sa mère? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a répondu, écoutez bien, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birri al-walida. Abdullah ibn Abbas a dit, je ne connais pas une bonne action par laquelle le serviteur se rapproche plus d'Allah que la bienfaisance envers sa mère. Que la bienfaisance envers sa mère, ô toi qui recherches le paradis. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah Sulami, falzamha fa innal jannata inda jidlayha. Il lui a dit, reste auprès de ta mère. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, reste auprès de ta mère, car le paradis se trouve à ses pieds, car le paradis se trouve sous tes pieds. Et sache qu'avec l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu auras l'agrément sache qu'avec l'agrément de ta mère, tu auras l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui n'obtient pas l'agrément d'Allah, azza wa jal, alors qu'il a eu ses parents, il aura certes perdu, et sera certes avili et humilié, lorsque la mère du qadi Iyas, rahimahullahu ta'ala, est décédée, il s'est mis à pleurer. Alors on lui a dit, ya abawathila, pourquoi est-ce que tu pleures ainsi? Il a répondu, j'avais deux grandes portes. J'avais deux portes ouvertes vers le paradis et une de ces deux portes vient de se refermer. Puis il s'est mis à pleurer. Ta mère est celle qui mérite le mieux, ta bonne compagnie, ta douceur et ta bienveillance, tes bons comportements et tes nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah, qui est celui qui est le plus en droit à ma noble compagnie, à ma bonne compagnie? Il a répondu, ta mère. On lui a dit ensuite au messager d'Allah, il a répondu, ta mère. On lui a dit ensuite au messager d'Allah, il a répondu, ta mère. On lui a dit ensuite au messager d'Allah, il a dit, puis ton père. Donc la mère a trois quarts de cette bienfaisance. Elle a trois quarts de cette bienfaisance, n'oublie pas son droit sur toi. Quant à celui qui a perdu sa mère, quant à celui dont la mère est décédée sur l'islam, qu'Allah t'accorde une énorme récompense pour ton endurance. Sache que tu peux encore être bienfaisant envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi la bienfaisance, après son décès, le fait d'invoquer Allah en sa faveur, de dire Allahumma ighfir laha, ou Allah pardonne-lui, le fait de lier les liens de parenté avec ses proches, le fait d'être bienfaisant envers les gens qu'elle aimait et ses amis, en faisant cela, tu seras bienfaisant envers tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que des parents auront une grande place au paradis et diront comment avons-nous eu cela? On leur dira, car votre enfant a demandé le pardon pour vous à Allah. Car votre enfant a demandé pour vous le pardon à Allah. Et celui qui veut que ses parents aient la meilleure récompense et que sa mère soit vêtue des meilleurs vêtements du paradis, qu'il apprenne la religion, qu'il étudie le Coran, qu'il mémorise le Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on va habiller des parents des meilleurs vêtements du paradis et on va leur mettre une couronne. La lumière du soleil n'est pas plus illuminée que celle-ci. Puis ils diront, comment se fait-il que nous avons cela? On leur dira, car votre enfant a mémorisé le Coran. Fallahumma ighfir lahun warhamhun. Allahumma ighfir li ummahatina. Allahumma ighfir li ummahatina. Allahumma ighfir li ummahatina. اللهم اغفر لهن وارحمهن اللهم ارفع درجاتهن في الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Plusieurs personnes parmi les proches de certains fidèles sont malades et ils vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Et j'invoque particulièrement en faveur de la mère de Hussein de Paris. As'alullah subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yamunna 'alayha bish-shifa. Allahumma shfi mardana arda al-muslimin. Une personne de la famille de notre frère Yahya également est décédée. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de l'accueillir dans sa grande miséricorde. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Warfa' darajatihi fil janna wa sabbir man taraka min ahlin wa walad. Pour finir, comme vous le savez, nous avons un projet de mosquée et il y a une date butoir qui est, si mes souvenirs sont bons, 2020. Donc on demande aux fidèles de faire un grand effort afin de dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a facilité avec sincérité pour que cet édifice et cette mosquée puissent se construire. Wallahu a'lam wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.